Édition d'avril 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Mars. Ah, le mois de mars au Québec. Le 13, le ciel nous est tombé sur la tête. Enfin, plutôt 30 cm de neige et plus dans mon coin de pays. Ce fut du sport juste de sortir de la maison. Les vents de près de 60 km/h avaient poussé la neige contre la porte. Plus de 2 heures de déplayage à la petite pelle, au gros bac et à la mini-souffleuse furent nécessaires. Sans compter les gambades dans des congères de plus d'un mètre de haut pour récupérer la mini-souffleuse. Du sport, je vous dis. Le week-end suivant, on repartait pour un tour. Mais en moins intense, heureusement. Puis, dimanche le 30, retour sur la pelle pour dégager l'allée de 10 à 15 cm de neige lourde démouillée fouetté par le vent et le grésil. Bref, beaucoup de neige en mars en Estrie, mais pas autant que ce qu'ont reçu les maritimes. Outre pelletée, j'ai avancé la préparation des nouveautés audio hebdomadaires des éditions de l'avenir, travaillant sur ce qui sera mis en ligne en juillet prochain. Par ailleurs, j'ai révisé « Prisonnier des Gris », la deuxième aventure de Carl Enovi, pour une éventuelle édition e-book. Aristide Fidatro nous présente Les Archambault. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Fidatro, les éditions de l'avenir présentent Fort comme les Archambault. Le comté de l'Assomption est le berceau de la famille Archambault, très nombreuse d'ailleurs, et dont les ramifications s'étendent sur toute la province de Québec dans le clergé, la magistrature, la politique, les emplois publics, etc. Ils ont justifié le dicton populaire bien connu dans tout le comté, fort comme les Archambault. Ils laisseront certainement une marque indélébile dans notre histoire, ce qu'ils ont bien mérité par leur grand talent. Un jour, un habitant de l'Assomption, voulant abattre une demi-douzaine d'érables, engagea deux Archambault, de solides gaillards, universellement reconnus comme les deux hommes les plus forts de la région. Il leur donna deux haches, un godan d'or et deux couennes de l'or en leur recommandant de faire diligence et de scier ces arbres en bio de 12 pieds de longueur pour en faire du bois de service. Ils abattirent la plus grosse des 6 érables et se mirent en train de la scier, mais ça ne marchait pas du tout. Vers les 2 heures de relevé, l'habitant se rendit au bois pour voir où en était rendu son ouvrage lorsqu'il trouva les deux hommes face à face, tenant chacun un des manchons du godan d'or. Ils avaient à peine effleuré l'écorce et se regardaient en chien de faïence. Voici donc que vous avez fait depuis ce matin que vous êtes là. C'est pas correct, ça? Pas notre faute, M. Pinchot. On a fait ce qu'on a pu, mais on est fort à fort. Ce mois-ci, Jean Seb nous parle de Joseph Sardin et du site de Kevin McLeod. Merci, Christian. Salut tout le monde. Salutations particulières à toute la gang de Radio H2O. Bonjour, les podophiles. Et bonjour les épicuriens! Ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Aujourd'hui, je vous convie à un sujet plus spécifique aux créateurs de contenu. Qu'il s'agisse de sagas, de podcast, quel qu'en soit le sujet ou le genre, la lecture d'un roman et même pour un exposé oral en classe, et oui, même avec juste ça, vous pouvez vous considérer comme étant un créateur de contenu. Ne soyez pas si modeste. Il se peut donc, un jour ou l'autre, que vous ayez besoin d'un effet sonore ou d'une musique. Si vous en avez le talent, il vous est possible de réaliser l'un ou l'autre, mais cela demande passablement de temps et d'énergie pour y parvenir. De plus, certains bruits risquent d'être compliqués à trouver. Ne serait-ce qu'une porte de grange qui grince, ou le chant des grenouilles alors qu'on est en plein hiver. Avec un peu d'ingéniosité et d'imagination, certains bruits peuvent être créés. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans le bruitage, je vous réfère encore une fois au site dont je vous ai entretenu en décembre 2013, soit libertv.com. Mais sachez que l'auteur du site, Joseph Sardin, m'avait alors remercié pour mes bons mots à son égard, et m'avait de plus fourni des informations supplémentaires dont je suis heureux de vous communiquer à mon tour, maintenant que l'occasion se présente. Libertv.com n'est que sa web TV. Joseph Sardin est donc absolument formidable. Passionné depuis toujours par le son et l'image, il s'investit en 2000 dans le domaine du cinéma et du spectacle, comme notamment dans une salle de spectacle de 500 places, puis devient directeur ou directeur technique sur de nombreux événements. Passionné par de nombreux domaines, mais fort du constat que sa profession l'oblige trop souvent à accepter des contrats à contre-cœur pour vivre, il décide d'en abandonner le métier. En 2007, il cofonde une société de vente en ligne de jouets textiles. En 2010, il la liquide et fait le choix du travail salarié. Aujourd'hui, il est responsable de la qualité dans la métallurgie le matin, ce qui lui permet de s'occuper de ses divers projets bénévoles le reste du temps. Ainsi donc, de fil en aiguille, depuis 2002, il a fondé, entre autres choses, deux studios d'enregistrement et de répétition à l'enseigne de « Les Nuits Blanches ». Il a créé les banques de sons la sonothèque.org pour les francophones et bigsoundbank.com pour les anglophones. C'est le même site, mais l'interface est tout en anglais. Et ces sites sont très, très utilisé par les créateurs de sagas audio dans le monde entier. Pour ceux qui ont eu la chance de les découvrir, comme vous maintenant, c'est 800 bruits, sons, échantillons, ambiances et musique pour votre bonheur. Notez que ce gars-là est un professionnel du son. Il a du matos de qualité. Les audios y sont hyper clean. Vous cherchez, mettons, un son de perceuse? Une ambiance. Ou n'importe quoi d'autre. Les sons sont libres de droit. Cependant, n'hésitez pas à lui faire un petit don. Surtout si vous êtes professionnel, ça sera très apprécié de sa part, c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. Il tient à jour le site d'annonce castinprogress.com, un site qui répertorie des offres et des demandes tournant autour des castings en France, en Europe et même à l'international. J'ai vu une demande du Québec, t'imagines? Et ce, pas uniquement du côté des acteurs et figurants, mais aussi tout le personnel connexe à cet univers. Perchiste, caméraman, infographiste, mixeur de son, demande de financement, etc., etc. Tout y passe. une référence à consulter de temps à autre, voire même régulièrement. C'est pas tout, c'est une machine, ce gars-là, je vous le dis. Il a même créé une application pour vos listes de courses, goodlistr.com, gestionnaire de listes de courses en ligne, partageable avec les membres de votre famille, amis ou collègues, disponible sur tout type de terminaux, smartphone, ordinateur et tablette. Un email, un mot de passe, that's it, ainsi qu'une dizaine d'autres de réalisations telles que Sacré Média, Bumili, Hippologique, Gratis Doc, Almanac, Petite Fin, Baby. C'est une machine, je vous le dis. Je vous fais un petit résumé. Les banques de son, lasonotech.org et soundbank.com. La web TV, libertv.com. Le site d'annonce de casting, Cast in Progress. Sa liste de courses, goodlistr.com. Voilà, je désirais depuis un certain temps vous en reparler de ce gars-là. Il m'épate. À cliquer de ci, de là, vous passerez de très belles soirées et vous aurez des idées plein la tête. Avec tout ça, vous savez plus d'où partir? www.josephsardin.com. J-O-S-E-P-H-S-A-R-D-I-N. Tout ensemble. Et laissez-lui un petit mot pour dire que vous avez entendu parler de lui. Grâce à moi, ça va faire plaisir. Un autre endroit que je ne veux pas passer sous silence et dont il est grand temps que je vous parle. Vous entendez souvent Christian Martin citer Kevin MacLeod, incompetech.com. C'est quoi ça? Allez-y, c'est un site où toute la musique est libre de droit. Vous n'avez qu'à citer la source comme Christian le fait, juste le mentionner ou le mettre à quelque part dans votre page web. Bien sûr, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas le citer, vous pouvez toujours acheter ces musiques, ça part à 30$, plus vous l'achetez, plus le prix baisse. Sur incompetech.com, oui, vous pouvez trouver de la musique, mais il y a aussi toutes sortes de papiers graphiques et il a même divers formats de calendrier par mois, par semaine. Mais je vous reviens immédiatement à la musique. Ce qui est fantastique sur son site, c'est la façon de pouvoir trouver ce qu'on cherche. On peut y aller par genre, africain, blues, classique, contemporain, disco, électronique, funk, horreur, jazz, latin, moderne, polka, pop, reggae, rock, film muet, trame sonore de film, intro, extra, mondial, name it. Mais la plupart du temps, ce que j'utilise, c'est par ce qu'appelle le feel, c'est par l'émotion. On peut faire des mélanges d'émotions pour la musique et on va la trouver. On peut mélanger action, agressif, bouncy, bride, palming, dark, driving, c'est la musique entraînante, airy, c'est la musique étrange, grooving, hein, la musique rythmée, intense, mystérieuse, mystique, relaxée, sombre, excitée, uplifting. Fait que là, ça, là, on peut toutes les mélanger, là, comme on veut. Tu dis, je vais avoir une musique qui est dark, et puis, mysterious. Qu'est-ce que ça donne? On met du suspense avec qu'est-ce qu'on mettrait? Agressif. Fait que c'est ça. Vous avez juste à composer ce que vous voulez. Allez-y. Je suis convaincu que vous allez passer des heures et des heures à vous faire du fun. C'est très agréable de chercher sur son site. Rapidement, juste pour les références, autre site que vous pouvez utiliser pour la musique, musopen.org/musique. Toute la musique libre de droit, absolument gratuite, même pas besoin de donner de contribution. Seule chose, c'est du classique. Pour les effets sonores, universalsoundbank.com, freesound.org et pdsounds.org. Ils seront tous dans la liste à Christian. Allez voir sur le site de les éditions de l'avenir présentes. Et sur ce, je vous invite rapidement à aller sur iTunes Podcast et allez vous abonner au flux du podcast Épicure. C'est le mien, c'est lancé, c'est fantastique, je suis très heureux. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien ou faites-vous porter par les autres, comme dit Walter. À vous, les studios. Merci Jean-Seb. À la toute fin, il mentionne très rapidement sa toute nouvelle émission, Épicure. Je viens d'écouter l'épisode 0, c'est super sympathique. Si vous aimez Jean-Seb dans sa capsule nouveauté, vous l'aimerez encore davantage dans Épicure. Consultez les notes de notre émission d'avril pour trouver l'adresse où trouver Épicure et Jean-Seb. Suite du feuilleton Mazas Pavel, un monde en héritage par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. À bord du cœur de Fomalo 2, le vaisseau de Steve, Mazas, l'émir et Kalec, un membre de l'équipage, se demandent si la nef moissonneuse qu'ils recherchent se trouve encore à l'endroit où elle a été abandonnée un quart de millénaire plus tôt. Arrivés aux coordonnées prévues, ils constatent que la nef moissonneuse est attaquée par une multitude de petits engins en forme d'aiguilles noires. Après que le cœur de Fomalo ait dispersé les assaillants, l'émir se téléporte à bord de la nef moissonneuse. Sur la suggestion du Mlocastor et pour échapper à ses assaillants, qui ont repris leurs attaques, la nef moissonneuse plonge brusquement dans l'entre-espace, blessant grièvement l'émir. La nef moissonneuse disparue, l'ennemi se concentre sur le cœur de Fomalo qui doit fuir. Il regagne l'espace einsteinien, sain et sauf, à bonne distance du conflit. Ils cherchent dès lors à retrouver la nef moissonneuse. Mais pour ce faire, ils doivent retourner à l'endroit de l'attaque, qui formait encore de petits vaisseaux noirs. Ce qu'ils font. Ils parviennent à capturer deux vaisseaux ennemis avant de basculer dans l'entre-espace. Pendant ce temps, à bord de la nef moissonneuse, les robots dirigés par Robotax 3 s'efforcent de soigner l'émir. Au bout de plusieurs heures, celui-ci reprend conscience pour se rendre compte qu'il a perdu tous ses pouvoirs parapsychiques. Les éditions de l'avenir présentent Mazas Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rodden par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 12. Chapitre 2. Plongé dans l'espace linéaire, le cœur de Fomalo 2 tentait de suivre le chemin emprunté par la nef moissonneuse. Reçois-tu quelque chose sur les détecteurs? Corton se tourna vers Mazas, en soupirant d'un air excédé. « Comment veux-tu que je puisse la pister ?»« C'est toi le navigateur, » répliqua-t-elle d'un ton sec. Voyant que la situation risquait de dégénérer, Kalec se voulut conciliant. « Inutile de s'exciter. Ce n'est pas cela qui nous aidera à retrouver l'émir. Il vaut mieux rechercher un monde où nous puissions nous poser et interviewer les occupants des vaisseaux que nous avons capturés. Peut-être nous diront-ils pour quelles raisons ils ont attaqué la nef. » Et selon les réponses, nous pourrons éventuellement présumer de ce qu'elle sera amenée à faire. Ouais. Cette onomatopée dubitative prouvait à l'évidence que la jeune femme n'attendait rien de cette méthode, mais, faute d'une autre proposition, elle y adhéra du bout des lèvres. Steve décida de prendre les choses en main. Corton, tu nous programmes une sortie de l'entre-espace et tu cherches un caillou, quel qu'il soit, sur lequel nous pourrons nous poser et faire le point. » Un grognement lui répondit. « Tu sembles oublier que nous avons deux invités collés à notre coque. S'ils ont un tempérament de kamikaze et utilisent leur canon à bout portant, ils risquent de nous causer des dégâts. » La Carzacienne, qui bouillait d'impatience et dont l'inquiétude pour les murs grandissait de minute en minute, sauta sur l'occasion de se changer les idées. « Pas de problème. J'enfile mon spatiandre, je sors du vaisseau et j'arrose les deux petites nefs au Radium Psi. À courte distance, cela devrait être suffisant pour calmer les ardeurs de leurs occupants. »« Tu veux sortir maintenant ?» s'exclama Thiromont sur un ton horrifié. « Tu n'ignores sûrement pas que c'est interdit dans l'astromarine solaire. On n'a aucune idée des conséquences. »« Je l'ai déjà fait avec un commando de mercenaires. » coupa Mazas avec un sourire. Il faut seulement bien s'arrimer, car se séparer du vaisseau équivaut à un suicide. Je viens avec toi, décida Kalec. Non, interposa Steve. C'est moi qui l'accompagne. Le rouquin lui jeta un regard désappointé. Cependant, en tant que membre de l'équipage, il ne pouvait qu'obéir aux ordres de son chef. Mazas réprima un sourire. Les deux candidats à la sortie dans l'espace linéaire se retrouvèrent dans la soute où stationnait une plateforme anti-G et un appareil en forme de gazelle miniaturisé. Qu'est-ce que c'est que cet engin? S'étonna la jeune femme. Un sourire de fierté étira les lèvres de son interlocuteur. Un cadeau personnel du Lord Amiral. Mais encore? Il s'agit d'un aviso construit exprès pour le cœur de Fomalo 2 à l'échelle 1 tiers. Avec les mêmes capacités techniques, un rayon d'action 70 000 années-lumière par plongée successive de 10 000 AL, mais ne nécessitant que deux membres d'équipage. Une vraie merveille. Pas de doute, tu es bien vu. Engoncés dans leur combinaison spatiale, ils s'encordèrent à l'aide d'un filet de plastométal dont l'extrémité fut solidement fixée à un anneau de la paroi. Un dernier coup d'œil pour vérifier qu'ils étaient prêts, et le pilote lança dans son minicom « Corton, tu peux ouvrir le sas. »« Ok !» Tandis que la lourde porte de Clarkonite se mettait à coulisser, la jeune femme décrocha le radiant psy qu'elle portait à la ceinture, tandis que son compagnon brandissait un désintégrateur. À tout hasard. Par l'ouverture qui venait de se dévoiler, un mur laiteux apparut. L'entre-espace, un non-être interdimensionnel. Un frisson parcourut les chines des deux compères. L'inconnu ne laisse pas de marbre, y compris les plus courageux. Cependant, leur hésitation fut de courte durée et ils s'avancèrent d'un même pas vers la sortie. Mazas agrippa de sa main libre le chambranle du sas et se pencha vers l'extérieur. Elle disparut à la vue de Steve, qui sentit le filin se tendre autour de sa taille. Il s'assura d'un dernier regard que l'extrémité était toujours solidement arrimée à la cloison et quitta à son tour le cocon protecteur de l'astronef pour se risquer sur la coque. Instinctivement, elle baissa la tête, l'essence un peu troublée par la présence du néant au-dessus d'elle. L'agent de l'OMU avait visualisé sur les écrans de contrôle l'emplacement des nefs ennemies par rapport à la porte du sas. Elle put ainsi marcher à pas prudents dans leur direction. Machinalement, elle jeta un regard vers le haut. Elle savait que le champ calupéen s'étendait peu au-delà de la coque, mais elle n'en distinguait rien. Steve, quant à lui, marchait légèrement penché, les épaules relevées, comme s'il craignait que l'étrange ciel que constituait l'entre-espace lui tombe sur la tête. Mazas aperçut les deux masses noires et luisantes, but de son expédition. Elles reposaient côte à côte, dégageant une aura maléfique du haut de leurs 3 mètres. Ne tenant pas à servir de cible, la jeune femme s'arrêta et s'accroupit, imitée par son compagnon qui brandissait belliqueusement son désintégrateur. Dissimulée par la convexité de la coque, elle allongea le bras, le radiant psy maintenu fermement dans sa main. Elle entreprit alors de balayer consciencieusement avec la lentille à facettes l'espace où gisaient les aiguilles, le mouvement de va-et-vient, le pouce appuyé sur le bouton rouge de son bâton d'argent, réglé sur l'intensité moyenne, vu la courte distance. Son travail achevé, elle signifia par une tape sur l'épaule du pilote qu'il pouvait repartir. Cramponné à son fil d'Ariane, celui-ci rebroussa chemin. C'est avec soulagement qu'ils se glissèrent dans le havre que constituait pour eux la soute du vaisseau. Ce milieu coïncidimensionnel n'était décidément pas fait pour l'homme. Moins d'un quart d'heure plus tard, le vaisseau sphérique quittait la zone de libération. Les capteurs, palpeurs et autres senseurs extérieurs entamèrent leur travail de recherche afin de découvrir une planète susceptible d'accueillir le navire. Le balayage de l'espace, à un endroit de la galaxie quasiment inexploré et inconnu, et où les cartes de la banque mémorielle laissaient apparaître de larges plages vierges, se poursuivit pendant 1 heure environ, pendant que le cœur de Fomalo 2 se déplaçait à la moitié de la vitesse luminique. « Toujours rien ?» s'enquit Kalec Voram. Le gnome, à qui cette question était posée pour la 4e ou la 5e fois, se préparait à répondre par une grossièreté quand son attention fut attirée par une série de chiffres qui s'affichèrent dans le coin droit du haut de son écran. « Un instant !» Il reporta les coordonnées dans la mémoire du cerveau P, qui afficha aussitôt une vue du secteur galactique où il se trouvait. Dans le même temps, deux index clignotants, l'un de couleur verte, l'autre de couleur rouge, matérialisaient leur position et celle du petit système de quatre planètes éclairé par un soleil bleu en fin de vie, mais où il pourrait sans doute se poser. À peine 30 minutes-lumière. Nous y serons dans moins d'une demi-heure. Possèdes-tu déjà quelques données intéressantes? Les doigts de Curton coururent sur le clavier, interrogeant les détecteurs. Quelques secondes s'écoulèrent, et l'imprimante cracha un feuillet plastique, dont Steve s'empara. Voyons un peu ce que nous révèle la positronique. Son regard parcourut le texte à une vitesse rendue possible par l'habitude. Il releva la tête. L'un de ces mondes semble convenir. Il s'agit d'un petit corps céleste de 2000 km de diamètre, pesanteur de 0,4 g. Il faudra faire attention à ne pas s'envoler. Atmosphère pauvre en oxygène, mais très riche en chlore. Charmant lieu de villégiature. Pour le peu de temps que nous comptons y passer, ça devrait suffire. Quant à ses voisins, ils sont de conditions extrêmes. L'un glacé, les autres en fusion. Rapidement, sur l'écran de contrôle, surgit une sphère à couleur dominante rougeâtre. Puis des détails, tels que de petites mers ou de grands lacs et des chaînes montagneuses, se dessinèrent sur un globe nimbé d'un léger voile nuageux. Est-ce que la vie peut apparaître sur un tel monde? Demanda Thiromont. J'aurais tendance à dire non, mais l'univers recèle tant de choses qui nous sont inconnues que finalement, cela n'a rien d'impossible. Répliqua le pilote d'un ton désabusé. En tout cas, il n'y a pas la moindre émission d'énergie ou de radio. Annonça son second. Si la vie existe, ça ne peut être que sous une forme primitive. Donc peu de chances d'être accueilli à coups de laser ou de désintégrateur. Conclut Kalec. Steve était une vraie tête brûlée. Pourtant, il ne se départait jamais d'une certaine prudence et ne faisait jamais fi des consignes habituelles de sécurité. C'est pourquoi il fit effectuer au cœur de Fomalhaut 2 trois révolutions de plus en plus serrées autour du corps céleste sur lequel il voulait atterrir. Sans découvrir de présence intelligente, ni même de faune. La végétation était pauvre, se composant essentiellement d'arbres rabougris aux troncs torturés et au feuillage d'un mauve clair. Les montagnes étaient basses et les étendues d'eau bleu turquoise paraissaient peu profondes. Par précaution, le pilote éjecta deux sondes dont les caméras donnèrent des détails précis des surfaces survolées et dont les détecteurs de toutes sortes se contentèrent de confirmer les informations reçues lorsque le navire était encore en approche. Ayant repéré un secteur qui lui semblait propice à l'atterrissage, il y dirigea l'un des engins de reconnaissance et le fit atterrir. Une tige filetée se déploya et s'enfonça dans le sol pour effectuer des analyses. Rapidement, il s'avéra que l'endroit où l'appareil reposait était constitué d'une sorte de granit, apte à supporter sans peine le poids du vaisseau. Le soubassement est solide. Et les sondes n'ont pas découvert le moindre signe de vie. On va donc se poser au centre de ce plateau. Il est quasiment désert et a l'avantage de surplomber la vaste plaine qui s'étend jusqu'à la mer. De là, on peut voir arriver. Arriver quoi ? Grognisa Mazas. Tu viens bien de dire toi-même qu'il n'y a pas le moindre signe de vie. C'était façon de parler. Rétorqua-t-il, l'air vexé. Soutenu par ses antigés, la sphère de terkenite déplia ses étançons et se posa avec un léger choc, peut-être dû au poids supplémentaire généré par les deux aiguilles volantes rivées à ses flancs. Elle se balança quelques instants, le temps de se stabiliser correctement, et dès qu'elle fut immobile, Steve coupa les moteurs. Le silence succéda aux divers bruits familiers d'un bâtiment en vol. « Terminus !» Rouhaya Kalec. Tout le monde descend. Au même moment, un craquement se fit entendre à l'extérieur. Le vaisseau fut secoué violemment et commença à donner de la gîte. Le cœur de l'émir fit un bond dans sa poitrine. Incrédule, il se concentra à nouveau sur la salle où Rabotax régnait en maître et s'y téléporta. Ou plutôt, essaya de se téléporter car, comme la fois précédente, sa tentative ne fut pas couronnée de succès. Une main glacée lui tordit les entrailles et, pendant quelques secondes, il eut l'impression que sa vie s'arrêtait. Son esprit tournait à une vitesse folle et en quelques fractions de seconde, il envisagea une foule de raisons qui auraient pu expliquer ce qui lui arrivait. Cependant, il dut rapidement s'avouer qu'il n'y avait qu'une conclusion logique. Il avait perdu ses pouvoirs parapsychiques. Par acquis de conscience, il tenta d'utiliser la télékinésie sur un certain nombre d'objets situés dans la pièce. Mais pas un seul ne bougea. Proche de la panique, il dut faire appel à la sérénité qu'il s'efforçait de cultiver depuis des siècles et qui finit par calmer la chamade qui s'était emparée de son muscle cardiaque dont les battements résonnaient jusque dans ses oreilles. Alors, lucidement, il entreprit de faire le point. Sa mémoire le ramena à l'époque où il vivait sur Perdita. Il était âgé d'une centaine d'années lors de l'arrivée de Perry Rodden et de ses hommes à bord de l'Astrée, mais pendant ce siècle passé parmi les îles, il n'avait pas souvenance qu'un de ses congénères, même à la toute fin de sa vie, ait perdu le don de jouer. Ce n'était donc pas une question d'âge, mais certainement le résultat du choc qu'il avait subi au moment de la transition de la nef moissonneuse. Et dans ce cas, seul Rabotax pourrait lui expliquer tout ce qui s'était passé à cette occasion. « Conduis-moi au poste central !» ordonna-t-il à l'une des machines. Celle-ci n'eut pas la moindre réaction, mais le robot commandant dut intervenir car, après quelques secondes, il sortit de son immobilité et s'avança vers la porte en faisant signe au mulot castor de le suivre. Le trajet, à pied, au travers des coursives, sembla sans fin au téléporteur tant il était pressé de pouvoir interroger le commandant de la nef. Quand il poussa la porte de communication avec le centre névralgique du vaisseau, il se sentit épuisé, mais sans parvenir à savoir si cette fatigue était due à son état de convalescent ou à l'appréhension de ce qu'il pourrait apprendre. Avec une attention un peu surprenante de la part d'un être de métal, mais sans doute liée à la fréquentation des maîtres, Rabotax avait fait disposer un fauteuil près de sa structure et l'émir s'y laissa tomber avec gratitude. « Rabotax, il va falloir que tu éclaires un peu ma lanterne. Tout d'abord, dis-moi ce qui m'est arrivé quand la nef est passée dans l'espace linéaire et pourquoi j'ai perdu tous mes dons. » « En ce qui concerne le premier point, c'est simple. Ton enveloppe et tes différents organes n'ont pas résisté à la pression provoquée par la transition brutale, malgré le cocon énergétique dans lequel j'ai essayé de te protéger. » Tu as failli perdre définitivement ton influx vital. Mes unités médicales ont eu beaucoup de mal à te reconstruire. En bref, j'ai failli mourir. Dans ta terminologie d'être vivant, oui. C'est parfois compliqué de discuter avec toi. Soupira le mulot castor. Et que peux-tu me dire sur la perte de mes facultés paranormales? Rien. J'ai intégré cette notion de disposition naturelle parapsychique dans ma banque mémorielle, mais rien de pareil n'y figure. Ce concept en est absent. Je ne suis pas sûr de recevoir une réponse qui puisse expliquer cette défaillance subite. Donc, tu ne peux pas répondre à la seule question qui est actuellement une énorme importance pour moi. Cette panne est-elle provisoire ou définitive ? Conclut l'émir désappointé. Rabotax resta muet. Atterri par le coup du sort qui venait de le frapper, le mulot castor se permit un petit moment de déprime, avachi sur son siège. Cependant, son esprit cartésien finit par reprendre le dessus. Il commença à se féliciter d'être toujours en vie, car, d'après ce que lui avait raconté le robot, son existence n'avait tenu qu'à un fil. Puis, songeant à ses dons disparus, il décida de considérer qu'il les retrouverait à un moment ou à un autre, et qu'il lui fallait donc être patient. Un peu rasséréné, la méthode Coué a parfois du bon, il mit résolument ses problèmes personnels entre parenthèses et songea à la situation de la nef moissonneuse. Le poste de commandement ne possédait pas le moindre écran ou le moindre instrument connu d'un équipage humain et l'émir ignorait donc s'il se trouvait toujours dans l'espace linéaire ou s'ils en étaient sortis. Sommes-nous encore dans l'entre-espace? Non. Nous avons émergé peu de temps avant que tu reprennes conscience et nous sommes arrêtés dans le vide, loin de tout corps céleste. Les robots techniciens travaillent sur la coque pour réparer les dégâts causés par les tirs ennemis. Importantes, les avaries ? Oui, mais nous avons suffisamment de pièces détachées pour tout remettre en ordre. Rapidement ? Le temps ne compte pas. Pour toi peut-être, mais pour moi ce n'est pas pareil. Il faut retrouver et revendre le cœur de Formalo 2 le plus vite possible. Tant que la nef ne sera pas remise en état, nous ne pourrons pas bouger d'ici. L'émir fit contre mauvaise fortune bon cœur. Puisqu'il faut attendre que ton vaisseau soit de nouveau en état de se déplacer dans l'espace, on peut toujours discuter. Et dans ce cas, il faut que je te dise quelle est la raison qui m'a poussé à traverser la moitié de la galaxie pour venir te voir. En fait, c'était une visite intéressée, car je désirais te demander les coordonnées d'une planète. Déséquilibrés par la brusque inclinaison du plancher, les occupants du poste de pilotage qui venaient de quitter leur siège contour tentèrent avec plus ou moins de bonheur de se retenir au mobilier. Instinctivement, Styromir R5 projeta sa main vers la commande des anti-G et fit redémarrer les moteurs d'un geste brusque. L'astronef se redressa et entama aussitôt une montée vertigineuse, stoppée par le pilote à une altitude de 100 km. Que s'est-il passé ? Lança Mazas. Pas la moindre idée. On va peut-être le savoir sur les caméras périphériques, lui répondit son ami en déplaçant une manette située à la droite du clavier de commande. L'arrondi de la coque apparut sur l'un des écrans et Steve entama un balayage systématique de la surface, ce qui lui permit de constater qu'elle semblait intacte. Les deux vaisseaux effilés, collés contre la paroi convexe, défilèrent devant eux avant que l'image ne s'arrête sur une vue des étançons. Un sifflement stupéfait s'échappa de ses lèvres. Ben ça alors ! Sous leurs yeux effarés, deux des six étançons de Terkonite ne présentaient plus que des moignons déchiquetés. Mais comment ? Balbutia Corton Nagez. Je n'en sais rien et je suis aussi étonné que vous tous. Est-ce que des caméras fonctionnaient quand on s'est posé ? Interrogea la jeune femme. Oui, et nous allons les visionner tout de suite. Le commandant du cœur de Formalo 2 programma l'enregistreur numérique et le film de l'atterrissage se déroula devant eux. Sans leur apprendre quoi que ce soit, car devant leurs yeux ébahis, sans la moindre intervention visible, la plus grande partie de deux des étançons disparut subitement tandis que la nef basculait sur le côté. Ce n'est pas cette vidéo qui va nous révéler ce qui est arrivé, s'exclama Turomont avec de l'inquiétude dans la voix. Les navigateurs de tous les temps et leurs descendants de l'ère spatiale ne font pas exception à la règle, ont toujours possédé un fond de superstition où l'inconnu était considéré comme néfaste. Dans le cas présent, toutes les légendes entendues dans les bars mal famés des astroports où il avait posé son sac remenaient en mémoire à l'ancien franc-passeur. Mazas, qui n'avait pas l'intention de laisser s'instaurer à bord un climat de crainte dû à des phénomènes soi-disant surnaturels, tentait vainement de trouver une hypothèse valable. Soudain, elle repensa à quelque chose. Steve, est-ce que la deuxième sonde est toujours sur le sol du plateau ? Oui, je n'ai guère eu le temps de la récupérer, maugréa-t-il. Pourquoi me demandes-tu cela ? Peut-être ces détecteurs ont-ils surpris quelque chose ? Cela ne coûte rien d'essayer. Approuva le jeune homme. Son ton manquait cependant de conviction. Pendant quelques instants, il manipula la télécommande de la petite fusée d'exploration. Il eut un sourire de satisfaction lorsque, sur l'écran de contrôle, il la vit décoller et reprendre son vol vers le vaisseau. 10 minutes plus tard, Kallek Voram était de retour de la soute. Le rouquin tenait un petit disque à la main. L'enregistrement ramené par la sonde fut glissé dans un lecteur. La mini-caméra dirigée vers le cœur de Formalo 2 effectua un zoom sur l'appareil. 5 paires d'yeux assistèrent à la disparition subite des 2 étançons. Rien ! S'écria Corton. À croire que c'est un fantôme qui les a dévorés ! Attends, Steve. Peux-tu scanner le moment où s'est produit cet incident et détailler image par image ? Sans problème. On peut savoir pourquoi ? Je ne sais pas trop. Une idée, comme ça. C'est plutôt vague, mais au point où nous en sommes... Il s'activa sur son appareil et sur l'écran apparurent des vues fixes qui défilèrent lentement. Stop ! L'image s'immobilisa. Qu'as-tu vu ? Là, une sorte d'ombre. Le pilote se pencha en avant, fit la moue et acquiesça du bout des lèvres. Ouais, peut-être. Peux-tu la faire analyser par la positronique ? Il hocha la tête d'un signe affirmatif et entreprit d'effectuer l'opération qui lui était demandée. Le cerveau P commença ses recherches. 5 minutes plus tard, il avait rendu ses conclusions. Steve s'empara de la feuille crachée par l'imprimante, tandis que ses compagnons l'entouraient pour essayer d'en prendre connaissance en même temps que lui. Il entama la lecture de la page sur laquelle s'étalait un court texte suivi d'un dessin. Entité organique translucide au point de paraître invisible. Marmonna-t-il. Aucun dégagement de chaleur, donc indétectable aux infrarouges. Structure inconnue. Force énorme puisque capable de cisailler d'un seul coup un étançon en terconite. Taille comprise entre 30 et 50 mètres. Possibilité à se déplacer dans les airs, non à 92%. Aspect général déduit avec une probabilité de 78%, voire ci-dessous. Il posa son regard sur la représentation graphique qu'avait fait l'ordinateur. Une sorte de fuseau, terminé par un panache semblable à celui d'un paon en train de faire la roue, et dont la gueule, formée de 2 lames aiguës, représentait le tiers du corps. « Avec ça, on est bien avancé !» râla Corton. « Je ne suis pas de ton avis. À présent, au moins... « Nous savons que nous avons affaire à une créature vivante. » rétorqua son ami. « Et cela nous donne quoi ?» ironisa le gnome. Steve haussa les épaules. « Tu aurais aimé partir d'ici sans savoir ce qui nous était arrivé ? Toi qui coupes toujours les cheveux en 4 ?»« En tout cas, il vaut mieux abandonner l'idée de nous y poser. » conclut Mazas. « Que deviennent nos prisonniers dans cette affaire ?» interrogea Kalec, pragmatique. La soute du cœur de Fomalo 2 n'est pas assez grande pour accueillir leurs appareils. Estima le pilote. Sinon, nous les aurions tractés à l'intérieur. Est-ce qu'un seul des vaisseaux pourrait y tenir ? Peut-être, en déplaçant la mini-gazelle et la plateforme. Parfait. Si tu es d'accord, nous pourrions descendre à 10 000 mètres, puisque les indigènes de cette charmante planète ne peuvent pas s'élever au-dessus du sol. Du moins en principe. Les deux engins pourraient attendre à l'extérieur du navire. Le temps que nous introduisions, l'une après l'autre, ces 2 aiguilles volantes et que nous récupérions leur équipage. Cela ne devrait pas poser de problème. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un des mystérieux astronefs fut amené dans la soute, qui fut hermétiquement fermée. Long d'une douzaine de mètres, il en faisait 3,5 de section dans son diamètre le plus large, et il ressemblait effectivement à une grosse aiguille. Équipés tous deux d'un spaciandre léger, Mazas et un ferrolien du nom de Trégochère, armés jusqu'aux dents, s'appliquèrent à trouver le système d'ouverture du sas. La jeune femme se rendit compte que la porte était surmontée d'une sorte de blason représentant un animal doté d'une multitude de pattes. À tout hasard, elle promena sa main sur l'effigie, et eut la surprise de voir un opercule s'ouvrir de la même manière que l'objectif d'un appareil photo. Elle jeta un coup d'œil à la silhouette trapue de son compagnon, dont l'œil brillait sur les grosses arcades sourcilières. Sa chevelure rouge, plantée bas sur le front, formait un contraste saisissant avec sa peau bleu vif. Rescapé des arènes de Bioche, où il avait été amené à combattre et à vaincre des adversaires aussi bien humains qu'animaux, il était sur ses gardes, et braquait un désintégrateur sur l'entrée de l'appareil. Son radiant psy au point, Mazas attendit avec curiosité l'apparition du premier occupant de l'engin inconnu. Un être cauchemardesque apparut dans l'encadrement du panneau. Dès qu'il l'aperçut, Trégochère leva son arme et l'agent de l'OMU eut l'impression que le doigt de son compagnon se crispait sur la détente. « Surtout ne tire pas !» Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le 2e chapitre de Mazas Pavel, un monde en héritage d'André Bory. Nos interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans les rôles de Stevomir Hirsing et Thiromon, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans les rôles de Corton Noguez et Kalec Voram, Gabriel Jean dans le rôle de Rabotax 3 et Christian Martin à la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Suite et fin de l'entrevue réalisée live par Skype samedi le 1er février dernier avec André Bory, l'auteur de Massas Pavel, et sa compagne Marie-Christine Bussière. Ils nous parlent de leur participation au périodique Le Météore et Présence d'esprit. Non, mais en plus, on travaille aussi pour Le Météore et puis pour Présence d'esprit. Oui, ça aussi, j'avais des questions à ce sujet-là. Effectivement, c'est deux autres périodiques pour lesquels vous travaillez. Oui. Travailler bénévolement. Il n'y a pas personne qui est payé. On n'est pas payé. Pour l'instant, on travaille pour le plaisir des autres. Un peu des vôtres aussi, j'imagine, mais c'est, oui, c'est vrai. C'est énormément, énormément d'investissement en temps, puis même en argent. Les voyages, faut les payer. Là, on était allé à Béziers, c'est-à-dire à l'autre bout de la France pour nous, pour interviewer Richard Bessières. Ah oui. On en a fait d'autres, mais qui étaient plus proches, qui étaient à la région parisienne. Hein. On est allé à Cognac pour Wagner. Pour Roland Wagner. Par contre, là, on a profité du moment où on était à l'île d'Oléron, donc ça nous a pas fait un trajet trop long. Okay. Mais on aime bien ça. Le contact avec les auteurs sont vraiment formidables. On a toujours été très très bien accueillis. C'est des gens beaucoup, très simples, alors que bon, moi je sais pas, en tant que lecteur, je mettais un petit peu les auteurs sur un piédestal et sur lequel où je me serais pas trop approché, si tu veux. C'était quelque chose qui était au-dessus de moi. Et puis finalement, quand tu les vois et que tu discutes avec eux, tu vois qu'ils sont tout à fait à ton niveau et, ou que tu es au leur au soir, si tu veux te donner un petit coup de pied. Oui, c'est des gens comme tout le monde, hein, au fond. Tout à fait. Pour en avoir côtoyé ici, puis pour en être un, c'est du monde bien ordinaire. Là. Et là, Marie-Christine a trouvé des illustrateurs. Elle aimerait bien qu'on puisse faire un compte-rendu, enfin un interview de croisé avec plusieurs illustrateurs. Et donc, c'est pour ce qu'on a un petit peu dans nos tuyaux dans les prochains temps. Ça, ce serait pour Présence d'esprit, Météore, Chaudjean? Peut-être Présence d'esprit, hein? Je pense que maintenant, ça sera plus, oui. Plus Présence d'esprit, parce que finalement, le Météore est relativement limité, si tu veux. Et il ne sort que deux fois par an, maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, Présence d'esprit sort quatre fois par an. C'est dommage pour Météore, hein? Ah oui, mais Michel a arrêté d'en faire plus parce que il n'arrivait plus. C'est ça, il n'y a pas le temps. Mais c'est quand même un périodique de qualité, tant au niveau de la présentation qu'au niveau du contenu. C'est super intéressant, c'est diversifié, c'est la culture populaire. Ouais. C'est une excellente idée, c'est juste plate qu'il ne sort pas plus. Les auteurs qui ont tous participé là, c'est ce qu'ils disent. Hein, c'était vraiment très professionnel. Là, on a un auteur qui s'appelle Claude Eken, qu'on espère on aurait trouvé les questions qu'on espère, mais qui est très très sympa, qu'on a vu maintenant plusieurs fois, qui nous a corrigé. On est allé à un hommage à Roland Wagner et on avait tout pris à la caméra. Et donc on a retranscrit ça, enfin surtout Marie-Christine qui retranscrit. Moi je fais défiler l'image et puis j'arrête, tu vois, pour qu'elle puisse écrire. Ah, et ça, donc c'est aussi ça représente beaucoup de travail, c'est des heures. Ah, ça, la transcription. Ah, ça pour écrire 5 pages A4, il faut compter une quinzaine d'heures. Ah, incroyable. Hein. Il faut bien 3 heures pour une feuille, pour une page. Mmh. T'es tout le temps obligé de revenir en arrière, tu comprends? Ça, j'ai mal compris, donc je repars. C'est très très long. Mais bon, d'ailleurs, tu as vu, on avait fait une table ronde, la table ronde d'Arnaud, dans le numéro 14. La compagnie des glaces. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Et là, on avait passé du temps aussi pour le faire. Mais ça a été sympa, il nous a donné des informations vraiment intéressantes. Voilà, bon, ben, je crois que là, on a fait un grand tour de... Des activités, hein? De nos activités, oui, donc... le météore, donc tu as vu ce que ça donnait, et puis présence d'esprit est beaucoup plus diversifiée, et donc nous permet de faire des articles beaucoup plus divers, pas uniquement basés sur la science-fiction de papa ou sur Périrodan. Et là, on est en train de faire pour présence d'esprit, on est en train de transcrire la table ronde de Sèvres qui était. Que nous apporte la science-fiction ancienne. Ok. Eh ben, c'était intéressant parce que même si on n'est pas du tout spécialiste de la science-fiction ancienne, nous, mais c'était intéressant de les entendre parler. Même si des fois, ça nous passait un petit peu au-dessus de la tête parce que ils sortaient des noms que on a même des difficultés à trouver dans le dictionnaire. Marie-Christine Christine aussi. Est-ce qu'y a des endroits sur le web où on peut vous retrouver? Des sites, des forums? Des sites? Bah, moi, j'ai un site auquel j'ai participé, mais ça fait un bout de temps. Ça s'appelle desartistes.free.fr. OK. Ça montre les tableaux que j'ai fait à une époque. Ben oui, elle n'est pas plus depuis qu'elle est avec moi. Voilà. dans la vie, il faut choisir, c'est sûr. Plus de temps. André, donne ton loisir. Finalement, toi, André, sur le net, on te retrouve nulle part? Bah, je sais pas trop, non. C'est-à-dire que quand on marque André Bory, on tombe sur Wikipédia, où il a... Sur BDFI. Oui, BDFI. Ouais. Où on parle un petit peu de ce qu'il a écrit, mais c'est tout. Oui, oui. Non, mais ça suffit. T'as pas le temps non plus d'être actif sur les réseaux sociaux Non. Non, je suis inscrit sur LinkedIn, c'est ça, mais bon, je sais pas m'en servir. Par contre... Ça m'a servi quand même à une chose. J'ai retrouvé un copain du boulot que j'avais pas vu depuis 20 ans. Ah, tu vois? Sur LinkedIn. Ouais, ouais. J'ai vu son nom qui apparaissait. Alors, du coup, cling, j'ai appuyé dessus. Et puis, bon, c'est comme ça que j'ai repris contact avec lui. C'est chouette. C'est marrant parce que tu reçois des. Sur LinkedIn, je reçois des listes de connaissez-vous un tel, un tel, un tel, un tel. Alors, il y a des gens que je connais, d'autres que je connais pas. Puis on me dit, est-ce que voulez-vous les contacter? Alors bon, si je contactais tout le monde, j'en sors plus. Donc je contacte personne, sauf ce copain que j'ai retrouvé. Fait que merci beaucoup à tous les deux. Eh ben, tu feras la bise à Diane de notre part. Je manquerai pas. Un bec. Un beau bec. Un bon bec. Un bec en pincette. Fait qu'à bientôt. Okay. À bientôt. Bye bye. Bye. Et voilà qui termine cette entrevue réalisée avec André Bory et Marie-Christine. Une fois de plus, merci à vous deux pour votre participation à l'émission. La musique accompagnant l'entrevue est de Kevin MacLeod, d'Incopetech.com. Voici maintenant ce que nous avons mis en ligne au cours de mars dans le cadre des nouveautés audio des éditions de l'avenir. Le 6, ce fut la page 3 de l'édition du 15 septembre 1883, du Progrès de l'Est, avec Nouvelles du Canada. Un lingot d'or pesant 300 onces et évalué à 6000 piastres a été apporté à Halifax lundi des mines de la rivière au saumon. Ce lingot est le produit du travail du mois dernier. Un enfant de 2 ans, fils de M. Paul Saint-Pierre, Montréal, s'est empoisonné en buvant du soda servant à la lessive. Un médecin ayant été appelé n'a rien pu faire. Le 13, nous vous présentions Ombre, une nouvelle d'Edgar Poe, interprétée par Grace Silverson, que nous aurons dans l'entrevue à l'émission le mois prochain. Où, à l'entrée du bélier, la planète Jupiter fait sa conjonction avec le rouge anneau du terrible Saturne. L'esprit particulier des cieux, si je ne me trompe grandement, manifester sa puissance non seulement sur le globe physique de la Terre, mais aussi